Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Peuple de guerre et de bruit, Carbone 14 fait place ce soir au tumulte gaulois, à ceux mêmes qui courent le monde, l'épée à la main. On doit à Michelet, à Camille Julien, quelques pages enflammées sur le caractère guerrier des Gaulois. Bien avant eux, Caton l'Ancien relate une Gaule qui ambitionne avant toute chose le métier de la guerre, mais aussi l'habileté de la parole. Rem militarem et argut loci. Une Gaule irritable, folle de guerre aux yeux de Strabon. Au-delà de ces stéréotypes véhiculés par les auteurs antiques repris par les modernes, la violence et la guerre dans les sociétés anciennes sont depuis peu un véritable objet d'étude. Mon invité en explore un trait particulier, le mercenariat celtique, celui même qui fit trembler le monde de l'Antiquité. Luc Barret, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, vous venez de publier « Celtes, Galates et Gaulois, mercenaires de l'Antiquité » aux éditions Picard, un livre d'une grande érudition. Luc Barret, le mercenariat antique nous permettrait-il de retracer toute l'histoire de l'Europe et de la Méditerranée ? Ce mercenariat ne permettrait pas de retracer toute l'histoire de l'Europe et de la Méditerranée, mais en tout cas une grande part de cette histoire, notamment les 5 derniers siècles avant Jésus-Christ. La participation des mercenaires celtes depuis 480, bataille d'Himère au nord de la Sicile, entre Carthaginois et Syracusains, cette bataille inaugure l'arrivée, l'entrée des mercenaires celtes sur le théâtre politique et le théâtre des opérations méditerranéennes. Notre but n'est bien sûr pas de développer cette histoire, mais de découvrir le mode de fonctionnement de ce phénomène militaire. Fut-il d'ailleurs réellement de grande ampleur ? Si nous lisons attentivement les auteurs antiques, on s'aperçoit que les mercenaires celtes n'apparaissent que de façon très ponctuelle. L'information est absolument ténue, tout simplement parce que les auteurs antiques ne s'intéressent pas en réalité aux mercenaires celtes. Ce qui les intéresse, ce sont les batailles auxquelles ces mercenaires celtes ont participé, mais de façon indirecte. Le mercenaire celte n'est pas le sujet de prédilection de l'auteur antique. Il n'est que un personnage parmi tant d'autres, au sein notamment des armées puniques ou grecques, quand ils se battront en Asie mineure, mais ce n'est pas l'acteur principal. Donc il arrive toujours en contrepoint dans les sources antiques. C'est Polybe qui en parle le plus, semble-t-il. Alors Polybe en parle le plus, tout simplement parce que Polybe nous a laissé une description détaillée et fournie de la guerre des mercenaires, guerre qui s'échelonne entre 241 et 238 avant Jésus-Christ, et qui met à mal la puissance carthaginoise. Donc, à l'occasion de cette description détaillée de cette guerre des mercenaires, Polybe nous offre enfin l'opportunité de comprendre un peu le mode de fonctionnement de ces gens. Luc Barret, qui sont ces mercenaires ? Ces mercenaires sont avant tout des individus qui appartiennent à deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont des gens qui, a priori, ont fauté, qui ont été en porte-à-faux vis-à-vis de leur société d'origine et qui ont été amenés à migrer. Obligés de migrer, souvent sans leur famille. C'est notamment le cas d'un contingent de 3000 hommes qui participera à la première guerre punique et qu'on retrouvera donc entre 263 et 230 en Sicile, puis en Épire. Donc ce sont des bannis. La deuxième catégorie de mercenaires celtes, ce sont des gens qui partent avec femmes et bagages et qui partent pour trouver de nouvelles terres. Et en cours de route, pendant leur pérégrination, ils sont amenés de temps en temps, selon les circonstances, à s'engager comme mercenaires. Mais le but véritable de leur déplacement n'est pas la recherche du mercenariat. C'est une espèce de mercenariat d'opportunisme, si on peut dire. Notamment, c'est le cas de tous ceux qui partent à partir de 280, 279 et qui envahissent les Balkans, la Macédoine, la Grèce, puis passent en Asie mineure, donc passent les Lespons et s'installent en Asie mineure, la Turquie actuelle. Ces gens-là partent d'abord avec femmes, bagages, enfants. Donc ce sont des populations entières qui migrent à la recherche de nouvelles terres. Et ces gens, par opportunité, vont s'engager comme mercenaires. Il n'y a que des mercenaires celtes dans l'univers antique ou il y en a bien d'autres ? Il y a beaucoup d'autres ethnies qui fournissent donc des mercenaires. Alors bien sûr, les ethnies de la Grèce, hein, les archers crétois, les Rhodiens, les Celtibères, les Ibères, les Africains, les Numides. Toutes les populations qui, globalement, soit sont déjà dans un stade de cité-État pour les Grecs, ou les populations dites barbares, donc des alentours. Je pense par exemple aux frondeurs des Baléares durant la guerre des Gaules. Ce sont des mercenaires ? Les frondeurs des Baléares, leur position, leur détermination, si vous voulez, juridique, parce que le mercenariat, c'est d'avant tout un problème juridique, au-delà du fait que ce sont des gens qui sont payés pour se battre, hein, mais ils ne sont pas les seuls à être payés pour se battre, hein, d'où ce problème juridique, qu'il faudra bien à un moment donné résoudre entre et distinguer entre mercenaires et auxiliaires. Les Baléares, a priori, ce sont plutôt des mercenaires. Pour la simple et bonne raison que la conquête des Baléares ne se fera que très tardivement. Donc, à partir du moment où le peuple n'est pas soumis à une puissance étrangère, quand ce même peuple fournit des hommes, fournit des soldats, des guerriers, on peut penser, en l'absence de toute association de type alliance, que ce sont des mercenaires. Luc Barret, les sources grecques nous parlent de Celtes, de Galates, voire de Gaulois. Les Celtes, les Galates, les Gaulois, globalement, ce sont les mêmes individus. Les Celtes apparaissent dans nos sources grâce à Hécatée de Milet et à Hérodote d'Halicarnasse au 5e siècle. Fin 5e, Hécatée de Milet nous dit qu'au nord de Marseille, les populations qui sont au nord de Marseille sont des Celtes. Quelques décennies plus tard, Hérodote nous apprend que les populations qui occupent les sources du Danube, donc au cœur de l'Europe nord-alpine, ce sont également des Celtes. Donc, nous avons cette grande entité celtique. Plus tard, au 4e siècle, ces mêmes Celtes envahissent l'Italie du Nord et les auteurs latins les appellent plutôt des Galies, donc des Gaulois. Quand nous arrivons au début du 3e siècle, à partir de 279, nous avons une épigramme retrouvée sur une stèle funéraire d'un certain Sidias qui s'est battu aux Thermopyles, qui a été tué par les Celtes, et cette dédicace indique qu'il a été tué par des Galates. Donc à partir de 279, du début du 3e siècle avant Jésus-Christ, un troisième terme entre en jeu, et repris par les auteurs gréco-latins, qui est le terme Galatei, les Galates. Voilà. Donc, Celtes, Galates et Gaulois, une même population, une même grande ethnie, au sein de laquelle il y avait des subdivisions, bien entendu, des subdivisions qui pouvaient descendre au niveau du pagus et des pagis, le pagus étant une espèce d'entité non pas territoriale mais ethnique, où les gens au sein de cette entité vivent, se marient et fondent leur famille. Et donc, ce sont différents niveaux ethniques qui existent, mais les grandes associations, on va les appeler Celtes, Galates ou Gaulois, selon les circonstances, et selon les moments de l'histoire. Les archéologues discutent beaucoup de ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Personne ne semble d'accord, d'ailleurs, sur toutes ces dénominations. Le problème de ces dénominations, c'est que si on ne tient pas compte des auteurs qui les emploient, si on ne tient pas compte du contexte dans lequel ces dénominations ont été employées, on peut s'attendre à avoir des dénominations qui vont, soi-disant, refléter des réalités ethniques différentes. D'où la difficulté. La raison pour laquelle aussi les archéologues vont plutôt parler de culture de l'Athènes. C'est une culture archéologique dont le site éponyme, donc le site qui a donné sa dénomination à cette culture, se trouve sur les bords du lac de Neuchâtel, qui a été découvert donc à la fin du 19e siècle. Et cette culture de l'Athènes permet, quand on emploie cette terminaison, permet de passer outre à ces problèmes ethniques entre Galates, Celtes et Gaulois. Luc Barret, l'archéologie a-t-elle mis au jour ces mercenaires ? Peut-elle en suivre les traces d'ailleurs ? Non, c'est extrêmement difficile pour la raison simple qu'il n'y a pas de culture matérielle qui serait estampillée mercenaire. C'est-à-dire que les armes qui étaient utilisées par les mercenaires sont des armes des guerriers habituels. Donc il n'y a pas de production spécifique. Donc il est impossible dans ces conditions de suivre le déplacement de ces gens. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est de découvrir, comme cela a pu être fait en Italie du Nord, comme cela a pu être fait en Sicile, où nous avons retrouvé des objets qui sont de type laténien, donc culture archéologique des Celtes, mais ces objets signalent la présence éventuelle d'un celtophone, signale la présence éventuellement d'un Celte, mais en aucun cas on ne peut dire que cet individu est un mercenaire. Sachant que, comme je vous l'ai dit au début, la distinction entre mercenaire et auxiliaire, sans parler du simple guerrier qui pourrait passer par là lors de pillages ou lors de déplacements de troupes, cette distinction est avant tout juridique. Donc il faudrait trouver une tombe celte en Asie mineure, par exemple. Même en trouvant une tombe celte en Asie mineure, il serait là aussi tout à fait difficile, vraiment impossible de dire que c'est un mercenaire. L'officier, l'Equites, pour utiliser le mot romain, celte bien sûr, découvert en 1972 dans un puits du jardin du Luxembourg, au cœur donc du Sénat, ne pourrait-il être pas justement un de ces mercenaires à défaut d'être un Gaulois vendu à Rome ? Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un auxiliaire, c'est-à-dire qu'un Gaulois, non pas vendu à Rome, mais un Gaulois qui combat dans les rangs des armées romaines en qualité de peuple qui a contracté auprès de Rome un fédus, c'est-à-dire une alliance suite à la disparition de l'indépendance gauloise à partir de 51 avant Jésus-Christ. Ce fédus oblige en quelque sorte les troupes gauloises à rentrer au service de Rome. Mais ce ne sont pas des mercenaires. Rome a toujours refusé, par idéologie tout simplement, et Polybe est un bon témoin de ce rejet du mercenariat par les Romains. Les Romains ont préféré parler d'auxiliaires, c'est-à-dire de troupes étrangères, payées par les alliés, mises à leur disposition par les alliés, mais eux-mêmes se refusaient, dans la mesure du possible, d'employer directement des ennemis comme mercenaires. Cette découverte au cœur du Sénat était une belle découverte, c'est une découverte étonnante. Donc une épée gauloise, une boucle de ceinture d'officier romain venant de Pannonie, donc la Pannonie c'est la Hongrie, un clou de sandale romain, une sorte de mixité comme ça d'objets et romains et celtes. C'est une mixité qui est révélatrice de la très grande mobilité de ces gens. Les sociétés anciennes, habituellement, on a l'impression, contrairement à nos sociétés actuelles, contemporaines, on a l'impression que ce sont des gens qui se déplacent peu. En réalité, ce sont des gens qui se déplacent énormément. Et pour qu'un officier celte, gaulois, aille se battre en Pannonie, revienne et soit enterré, se retrouve dans un puits dans les jardins du Sénat en Île-de-France, cela n'a rien d'extraordinaire. Parce que les mouvements de la population sont très importants. C'est même inscrit dans la société, les grandes migrations, par exemple. Chez les Celtes, en tout cas, les grandes migrations sont inscrites dans la société. Nous avons les grandes migrations dites historiques du début du IVe siècle et la seconde vague au début du IIIe siècle qui va atteindre donc l'Asie mineure. Les sources antiques seraient assurément le meilleur vecteur d'information sur ces soldats de fortune. Leur regard est toutefois très biaisé, empreint d'idéologie. Oui, parce que de toute manière, les sources antiques, donc ce sont des Grecs ou des Romains qui nous ont laissé ces écrits, les Grecs comme les Romains ont en horreur le mercenaire. C'est un apatride, c'est quelqu'un qui est traité de perce-muraille, de racaille, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un individu que les sociétés grecques ou romaines acceptent facilement. C'est un peu par défaut, parce que les circonstances de la guerre l'imposent de temps en temps, notamment pendant la guerre du Péloponnèse, où à ce moment-là, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, vous avez une explosion du mercenariat dans les sociétés grecques, parce que la guerre change de nature. Nous n'avons plus des batailles et des guerres qui sont des guerres saisonnières et qui s'arrêtent à la mauvaise saison, mais vous avez des guerres qui continuent toute l'année, vous avez des garnisons qui sont établies très loin des cités. Donc pour répondre à ce nouveau besoin, à ce nouvel visage de la guerre, il faut beaucoup plus d'hommes et des hommes qui acceptent de vivre en dehors de la cité. Ben, on trouve les mercenaires. Il faut dire que Grecs et Romains ont vécu la prise du Capitole à Rome et puis celle du sanctuaire de Delphes. Ce n'est pas rien quand même pour eux. C'était le cœur du cœur. C'est un traumatisme énorme pour les Romains et pour les Grecs. Toutefois, il faut quand même nuancer. Pour les Romains, la ville a été certes prise par les troupes celtes vers 390 avant Jésus-Christ, mais le Capitole, le cœur sacré de la ville, a été défendu. Vous savez, c'est l'histoire des fameuses oies qui vont défendre le Capitole. Pour les Grecs, c'est la même chose, c'est-à-dire la ville elle-même, Delphes, la zone des sanctuaires de Delphes est attaquée, mais les Gaulois ne pillent pas le sanctuaire de Delphes. Non, ils éclatent de rire. Ils éclatent de rire parce qu'ils ont des sculptures des dieux. Voilà, ils comprennent pas pourquoi ces gens personnifient ainsi leur dieu, mais ils ne prennent pas l'or, ils s'en vont pas avec l'or. Parce qu'Apollon, effectivement, intervient. Les éléments se déchaînent, il y a une tempête de neige, il y a des orages, bon, les troupes celtes sont mises en déroute, elles sont massacrées, etc. Et tous ces gens, n'atteignent pas le cœur même de la grécité, si on peut dire. Ils restent en marge. Mais il n'empêche que dans les deux cas, aussi bien pour Rome que pour la Grèce, on peut dire que la peur a été terrible. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Luc Barret, les Romains en paient le prix, malheur vaincu. Malheur au vaincu, oui, ça c'est le mot célèbre de Brennus. Brennus qui n'est pas un personnage, ce n'est pas un ethnonyme. Brennus étant plutôt a priori le nom pour désigner le général celte qui mène la bataille. Effectivement, ce Brennus qui conquiert la ville, qui détruit la ville, a des manières un peu de soudard. Un général qui a une armée gauloise, une armée de mercenaires ? Non. Ce sont des citoyens, c'est une armée composée de citoyens qui est une armée en marche, ce sont des peuples en mouvement, des peuples qui passent les Alpes et qui viennent s'installer au sud des Alpes, donc dans ce qu'on va appeler la Cisalpine gauloise, c'est-à-dire la plaine du Pô. Bologne, par exemple, ou Ancône, sur la côte adriatique, ce sont des villes qui vont être gauloises jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, pendant un bon siècle. Les auteurs antiques semblent avoir une véritable aversion pour ces mercenaires barbares. Tout le jeu sera de montrer le barbare versus le civilisé. Oui. Tout le jeu va être effectivement de décrier ces individus. Alors, les décrier pour deux raisons. Parce que d'une part, ce sont des barbares. Donc, on les rejette parce qu'ils n'appartiennent pas à la civilisation, à ce cœur de civilisation qui se trouvait d'abord en Grèce, puis qui était, entre guillemets, délocalisé et qui est venu s'installer à partir du 3e siècle à Rome et dans la péninsule italienne. Mais ce sont également des gens qui sont rejetés parce qu'ils sont mercenaires. Donc, ils ont une double tare, à la fois barbare et mercenaire. Ils ont vraiment beaucoup de défauts, ces Gaulois, ces barbares. Le manque de raison revient assez souvent. Ils ont bien sûr un penchant naturel à troubler l'ordre du monde, à être sacrilèges. Ils pillent les temples et les espaces sacrés. Ça oui. fait beaucoup. Ah ben, Delphes, la tentative du Capitole, mais on pourrait y ajouter le sanctuaire de Pyrgi, qui est un sanctuaire qui se trouve au sud de Rome. Tout ça, ce sont des tentatives ou des réalisations qui montrent bien que ces gens ne respectent rien. Ils ne respectent pas les dieux, ils ne respectent pas les dons qui sont faits aux dieux. Et si on peut aller plus loin, ce sont des gens qui, selon bien sûr les auteurs antiques, se sont adonnés notamment à l'anthropophagie, ont eu des actes malveillants vis-à-vis même de femmes mortes, etc., des viols, vous voyez. Donc, ce sont des gens qui ne rentrent pas dans le cadre de la civilisation et qui sont rejetés. Évoquons l'ivresse de ces mercenaires. On pense bien entendu à cette armée saoule devant Palerme en 250 avant notre ère. Oui, une armée commandée par Hasdrubal, qui est donc une armée punique qui se trouve devant Palerme. Nous sommes en plein cœur de la première guerre punique et les armées puniques, pour l'instant, maltraitent, repoussent, battent successivement les armées romaines qui interviennent en Sicile. Et à Palerme, devant Palerme, cette armée punique, le général en question commet l'erreur d'accepter que des marchands du voisinage apportent du vin, introduisent du vin dans le camp. Et à ce moment-là, les Celtes, en tout cas d'après les auteurs antiques, ça donne à un de leurs péchés mignons qui est de boire à outrance, de se goinfrer de véritables ivrognes. Le vin pur en plus. Du vin pur, bien sûr, parce que c'est le fait des barbares. On ne coupe pas le vin pur avec de l'eau chez les barbares, on boit le vin pur. Donc ces gens sont ivres, mettent le désordre dans l'armée. Au final, l'armée romaine bat l'armée punique. Cette ivresse n'est-elle pas ritualisée en lien par exemple avec ces fameux banquets antiques romains, grecs ou celtes ? Il est difficile de le dire, mais on peut le penser. On peut le penser parce qu'effectivement, les données qui existent sur les fameux banquets celtes sont des données qui montrent bien que le banquet est en étroite relation avec la guerre. Les guerriers, sans doute avant la guerre, avant la bataille plus exactement, ou au sortir de la bataille, s'enivrent dans des cérémonies particulières qui ont donné lieu à des découvertes archéologiques très importantes, notamment à Coran, dans le Puy-de-Dôme. Mais de là à faire un lien direct entre le comportement de ces gens pendant la bataille, prenant l'exemple de Palerme, et les banquets, ça reste encore à discuter. On sait par Appien et Justin que les Celtes se seraient battus jusqu'en Asie mineure, et cela très tôt, les 3e, 2e siècles de notre ère ? Oui, les Celtes passent en Asie mineure dans l'hiver 278-277. Et ils s'installent très rapidement localement grâce à l'aide notamment du roi de Bithynie qui leur fournit des terrains où ils puissent s'installer. Et donc très tôt au début du 3e siècle, ils sont sur place et se louent aux plus offrants. Ils vont s'y fixer ? Ils vont s'y fixer dans une région qui prendra le nom de Galatie. Donc la Galatie, le territoire des Galates, qui va exister jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils iront jusqu'en Babylonie même ? Ils iront jusqu'en Babylonie, se battre dans les armées séleucides, notamment de l'usurpateur Molon. Ils vont se battre... Alors, bien sûr, ce sont des petits contingents, ce ne sont plus des peuples entiers qui sont en mouvement, ce sont des contingents de quelques milliers d'hommes, mais ils sont présents en Babylonie, oui. On les voit aussi, bien sûr, dans les armées puniques, du moins d'après Polybe. Alors, ils sont présents dès la première guerre punique. Ils sont présents donc entre 263, 264 et 238, donc ils font la première guerre punique et bien sûr ils font le développement de cette première guerre punique qui est la fameuse guerre des mercenaires dont nous avons déjà parlé. Mais ils vont être également présents pendant la seconde guerre punique, c'est-à-dire 219-201 avant Jésus-Christ. Je reviens justement sur cette guerre des mercenaires. Et quelle est la part des Gaulois dans cette guerre ? Cette guerre d'ailleurs qui sert de toile de fond à Salammbô de Flaubert. La part des Gaulois, elle est importante dans la mesure où un des trois protagonistes, principaux protagonistes de cette guerre des mercenaires, c'est-à-dire Autarius, le général des troupes gauloises. Les Gaulois ne sont que 2000 sur les 20 000 hommes qui se révoltent en 241. Bon, plus tard, ils seront bien plus nombreux parce qu'ils vont eux-mêmes embaucher des mercenaires libyens. Ils vont avoir des troupes africaines qui vont venir les rejoindre. Mais au départ, sur les 20 000 hommes qui se révoltent, les 20 000 mercenaires qui se révoltent après le rapatriement des théâtres d'opérations siciliens, ils ne sont que 2000. Mais ce qui va marquer les esprits et marquer la littérature antique, c'est le fait que Autarius, donc le général de ces 2000 hommes, va être le protagoniste de la mort de Giscon. Giscon est le commandant des troupes mercenaires en Sicile. C'est lui qui organise le rapatriement de ces gens. Et il va être mis en avant par le Sénat punique pour régler ce problème, parce que le problème des mercenaires, ils se révoltent parce qu'ils ne sont pas payés, tout simplement. Donc, pour essayer de trouver une solution. Giscon, qui est un homme qui s'est battu pendant toute la première guerre punique auprès de ces gens, qui leur a fait des promesses, mais qui a été aussi bon avec eux, en tout cas au dire de Polybe et de Titlib, Giscon va être tué, va être sacrifié, va être tué par ses mercenaires. Et à ce moment-là, Autarius va jouer un rôle déterminant dans cette décision qui va amener à une prise de conscience que cette guerre ne peut pas être une guerre normale. C'est une guerre qui a un caractère de guerre civile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. On massacre à tout va, on ne fait pas de prisonniers. Et les Gaulois ont joué un rôle déterminant dans cette position. Quel est le sort en général des mercenaires qui se révoltent ? On les tue ? On les tue. On les tue parce que on considère que ce sont des gens qui, étant sans foi ni loi, le seul remède, si on peut dire, à leur révolte, c'est la mort. On évoque aussi le courage du Celte Atarinos face aux éléphants d'Amilcar Barca. Oui, tout à fait. Mais bon, là, on est plus dans la légende, parce que si vous voulez, dans les sources gréco-latines, ne nous en parlent pas véritablement. C'est plus, on va dire, du Flaubert. Et puis, oui, toute la peinture du 19e voilà. siècle aussi. Voilà. Une évolution dans le temps peut-elle être perçue entre les corps de mercenaires et les corps d'auxiliaires? Oui. Nous avons sur les 5 donc derniers siècles avant Jésus-Christ, du 5e au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, nous avons essentiellement des corps de mercenaires. À partir du milieu du 3e siècle jusqu'à la fin du 1er siècle, bien entendu, nous avons encore des corps de mercenaires, mais la majorité des troupes gauloises, celtiques ou galates, comme on voudra, qui se battent dans les armées étrangères, sont avant tout des corps d'auxiliaires. Comment s'opère le recrutement ? Qui négocie d'ailleurs des sortes de sergents-recruteurs ? Des sortes de sergents-recruteurs, mais des sergents-recruteurs d'un niveau élevé, puisque a priori, ce sont des Régulus Gallorum, donc des rois qui se chargent de discuter des modalités d'embauche. Ce sont de grands personnages, donc pour les puniques, ce sont des membres du Sénat qui se chargent d'aller démarcher les condottieri pour embaucher ces hommes. Donc ce ne sont dans aucun cas des outsiders. Ce sont des gens de très haut niveau social qui se chargent d'embaucher les mercenaires. Et qui partent avec de l'argent. Et qui partent avec de très fortes sommes, puisque ces mercenaires se font payer en or. Quel est à peu près le nombre de gens en général qui sont récupérés sur le terrain ? C'est difficile, mais ce sont des contingents qui évoluent entre 1000, 2000 hommes et ça va jusqu'à 24 000 hommes. C'est le maximum que l'on ait et ces 24 000 hommes, ce sont des auxiliaires et ils ont été, entre guillemets, embauchés par Hannibal pendant la Deuxième Guerre punique. Il y a aussi des chefs de guerre et leurs contingents ? Oui, et les chefs de guerre, ce sont des gens donc qui se présentent avec leur contingent. Il y a notamment ce contingent de 3000 hommes, donc ce sont des gens qui ont été rejetés de leur communauté d'origine. Et qui se présentent et qui sont embauchés par les puniques, par les généraux puniques pour la première guerre punique. Les Celtes se font payer en or. Pourquoi l'or et non pas l'argent? Les Celtes, visiblement, toujours d'après les textes, les sources gréco-latines, ont visiblement un attachement particulier pour l'or. D'où cet attrait particulier pour tout ce qui brille, sachant que les femmes celtes, les femmes d'un niveau social pas très élevé, avaient des parures qui étaient des parures en bronze. Or, le bronze, au moment de la coulée, au moment où le bronze sort du moule et qu'il est présenté comme bijou, le bronze a une couleur dorée. Et donc, ce sont des gens qui sont très attirés par cette couleur dorée. Voilà. Donc, quand on va payer ces individus, en tout cas à partir du... De la fin du 4e, début du 3e siècle, ils seront toujours payés en or. Ce n'est pas l'or pour les sanctuaires gaulois ? On peut penser qu'une partie de l'or des sanctuaires gaulois provient de l'or qui a servi à payer les mercenaires, mais il n'y a rien de moins sûr. Que dire de l'armement ? Peut-être que Philippe II de Macédoine, le père bien sûr d'Alexandre, mourut d'un coup d'épée celte ? Oui, il a été tué par une épée celte, qui n'a pas été introduite en Grèce, en Macédoine plus exactement, par des mouvements de population, mais une épée qui est venue sans doute par don, par rachat ou sous forme de butin. Nous ne sommes pas encore au début du 3e siècle, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'invasion celte dans ces régions, mais en tout cas il y avait une épée celte qui a servi à un certain Pausanias pour tuer Philippe II de Macédoine. En tout cas, Mithridate VI et Séleucos III, eux, sont tués par des Gaulois. Oui. Ils sont tués par des Gaulois qui font partie de leur entourage intime. Ce sont là aussi, ce ne sont pas des outsiders, hein, ce sont des gens de haute naissance qui appartiennent donc au cercle intime de ces princes, à qui les princes, le moment venu, qui ne veulent pas tomber vivants entre les mains des troupes, des légionnaires romains, et demandent à leurs plus proches amis de les tuer. Combattons réellement avec ses propres armes, ou tout au contraire, sont-elles fournies par quelques tyrans ? A priori, les mercenaires celtes, comme les auxiliaires, se présentent tout armés. Ils viennent avec leurs armes parce que tout l'intérêt pour l'employeur, c'était d'avoir à sa disposition des gens qui avaient l'habitude de se battre avec leurs armes traditionnelles. D'où l'efficacité de ces troupes, parce qu'elles arrivaient sur les théâtres d'opérations méditerranéens avec un armement particulier et une méthode de combat particulière. Et c'est ce qui faisait l'intérêt de leur recrutement. Alors bien entendu, nous avons quelques textes, notamment un texte de Diodore qui nous apprend que Denis Ier de Syracuse, le tyran de Syracuse, a fait fabriquer des armes pour les différents contingents de mercenaires qui étaient à sa disposition, notamment des Gaulois, mais toujours en fonction des modèles d'origine, parce qu'il voulait maintenir cette particularité, ce mode de combat spécifique à tous les contingents. Luc Barret, et malgré le dénigrement systématique des textes antiques et modernes, les Celtes sont un redoutable corps d'élite tenant le centre des batailles ? Oui, systématiquement, tout du moins dans les batailles menées par Hannibal. On pensera au lac Trasimène, mais surtout on va penser à Cannes, où là les 24 000 Celtes, auxiliaires Celtes, occupent le centre du dispositif de bataille avec les troupes numides et espagnol sur les côtés. Luc Barret, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Celtes, Galates et Gaulois, mercenaires de l'Antiquité aux éditions Picard, un livre d'une grande érudition. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 en direct du Salon du Livre, à la croisée de l'archéologie et de la psychanalyse, évoquera l'origine des représentations.